C'est le Spadri, frère. Le Spadri en acoustique. Oh, tout niqué. Niqué ta ville. Niqué les vieilles et les caniches. Et les petits chiens aussi. Oh, les petits chiens, les hamsters. Et les rondons d'un rond. Niqué le rondon d'un rond. Écoute, c'est l'espoir en acoustique. On a tout déboîté. On a tout niqué. Wesh, wesh. C'est trop bien. Vive le journaux. Gratter des pommes McDonald's. Pneumatique. Les feuilles sont mortes. Il y a plus de 16 ans. Les couilles sont tournées. On dirait un dindon. Je suis torché au panier. J'ai perdu ma maison. Si je continue comme ça, je finirai en sans. J'ai ma vie. T'es une façon de penser. Si t'es pas content, va te faire en papayoter. Laisse ma vie. C'est pas des PD. Si t'es pas content, va te faire enculer. On sait pas d'où on vient, on sait d'où on va. On boit pas de vin ni de la vodka. On se prend tous la gueule au Coca-Cola. Wesh, wesh, on présente l'Espadri. J'ai chopé un boulot de merde en McDonald's. Si je me fais chier, j'en quitte en culérona. Si ça continue, je pars avec mon âme. Et je vais me marier avec Nerd Nerd. On sait pas d'où on vient, on sait d'où on va. On boit pas de vin ni de la vodka. On se bouge la gueule au Coca-Cola. Wesh, wesh, représente le Spadri. C'est qui les Spadri, frère? Tout écoute. C'est Big Testy qui met la Zermi. C'est Tucci qui nique avec la tour de fils. C'est Minimac qui viole. Tic et tic et tac. Et c'est un mule qui a le pur style. Le pur style, oui, là. Ah, niquez ta ville, frère. Niquez ta ville. Niquez toutes les villes. Ouais, je crois. Spadri.